89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Marie-Laurence Audet nous dira pourquoi le loisir, c'est bien plus qu'un jeu dans sa chronique du même nom. Mathieu Roy viendra nous parler des événements et activités organisés par la GAUQTR. Et on parlera d'art et spectacle avec Alexandre Carignan et le temps de culture. Assemblage requis commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 3 décembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Et on t'en dirait des studios de Cifou à Trois-Rivières. Oui, monsieur. OK, oui. Aujourd'hui, l'émission, déjà une correction à faire. J'ai... C'est un petit peu mon erreur. J'ai oublié que Marie-Laurence n'était pas là aujourd'hui. Oui. Oui. Donc, on n'a pas ça à 8h. Mais par contre... Nonobstant, cela étant dit, le cas échéant, on devrait avoir Mathieu Roy à 8h45. Quoique lui n'est pas tellement plus fiable. Mais en tout cas, donc à 8h45 pour Mathieu Roy, oui. C'est comme ça. À 9h, Alexandra Carignan pour sa chronique Le temps d'une culture, art et spectacle. Et nous, on est là. On va se faire des petites chroniques maison autour de ça. Par exemple, le classique du mardi, hein, c'est rendu kinky. On aime tout ça faire ça. Mais moi je mets des sous-vêtements coquins là, le mardi maintenant. Ah, oh, sont-ils mangeables? Oui! Tu trempes tes sous-vêtements dans ton café le matin. Oui, c'est ça. En fait, c'est pas du café, c'est du thé. Je me trempe la poche. Oh! Oh! Oh! Commence bien. Bravo. Merci. À ce retard sur l'applaudissement. Ouais, c'est pas grave. J'étais là. C'est ça. T'sais, on aurait pu croire que c'était toi. T'applaudissais? Oui. Oui. Bravo, JP! Oui, moi j'aime bien aussi me lever debout parce que c'est plus respectueux. Ça fait bizarre en dire que je me claque contre la cuisse, hein? Oui, vraiment. on dirait que tu te les tapes entre les. Ah, qui dit que c'est pas ça? Ah ah! Personne ne le saura. Je vais prendre une gorgée de café. Vas-y. Délicieux. Maudit qui est chaud. Ah ouais, à ce temps. Ben là, tu viens juste de le prendre. Ouais. Je me suis brossé les dents. Ouais, aussi. Ça goûte pas bon. Le café dans les tasses, hein, ça devient ben trop froid, ben trop vite, ça. Mais c'est très chaud. C'est très chaud quand tu le sers. Très vite froid. Et puis quand tu t'as brossé les dents. Donc voilà. Sinon, à part de ça, Mathieu, ça va bien? Ça va très bien. Bon. Ça va... Toi, ça va? Oui. Fatigué. sais-tu ce que j'ai fait cette nuit? Non, vas-y, donc. Je me suis couché puis j'ai oublié d'enlever mes verres de contact. Ah, encore, hein? Tu fais ça souvent? Non, en fait, c'est très, très rare. Ah ouais. Toi, c'est les tremper dans de l'eau en pensant que ça va revenir oui. En forme. Comme la pire chose à faire. Tout le monde a fait ça moins une fois dans sa vie. Oui, mais non, pour de vrai, c'est vraiment rare. Puis cette nuit, j'étais convaincu de les avoir enlevés. Puis ce matin, quand je me suis réveillé, je fais, il me semble, je vois clair. Ouais, comment ça? Comment ça, je vois aussi clair? Les crottes dans mes yeux sont donc bien. Ben genre, oui, c'est ça. De la bonne forme et de la bonne. Je suis donc bien tout nu. As-tu vu qu'il y a des nouveaux verres de. Ben, je sais pas si c'est nouveau, mais des verres de contact que tu peux porter pendant 30 soirs, 30 nuits de suite. Ah. J'ai vu ça à TV en fait semaine. Fait que je me renseignerais si j'étais toi. Comme le film, Les 30 derniers jours. C'est-tu un film, ça? Les 30 derniers jours de verre de contact, oui. Ça me dit quelque chose. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Beau plan. On va être prêt. C'est sophistiqué, je trouve, comme plan. Mm-hmm. Tu sais, ça a bien du sens. On va commencer un peu comme tous les matins, directement sur le bois. Honk! Honk! Ben Jackie, voici David et les bois. Okay. Avec Feu Follet. Je la pogne. Ah, il se pogne bien des affaires, ça, David. Oui. Des échardes. Feu follet avec David et les bois. Tu veux feu follet? Tu veux follet? Moi, j'ai des feux mollets. Surtout que je marche pendant quelques secondes, j'ai le mollet en feu. OK. Est-ce que tu es du genre à faire des crampes? Oui, des crampes dans les cuisses. Pas cuisses, excuse-moi, mollets. Mollets, oui. Et orteils aussi, c'est bizarre. Hein? Moi aussi. Moi, je fais des crampes dans le mollet, orteil, mollet, orteil, orteil, mollet, orteil, des crampes dans le mollet, orteil, mollet, orteil. Voici qui c'est que c'est time. J'ai eu un petit fou rire. Oui. Wow. Donc, Kiki Sexy Time, c'est la chronique où on se parle de vraies choses. Hein? C'est pour un public plus ou moins averti. Donc, soyez le plus ou moins averti. Oui. C'est pas pour les 10 enfants, ça, non? Ce matin, vous avez peut-être vu d'autres choses que des lettres dans votre bol de céréales. Qu'est-ce qu'il y avait vu? L'entre-gens. OK, Caroline, hein? Il y a ça dans les magasins de sex shop, hein? des affaires qui en forme de... Mais qui se mangent des Kraft Dinner en tout cas. J'ai soupé ça hier. Des Kraft Dinner en forme de dinner. Vagin. Ça faisait tellement. Non. OK, excuse. Hey, je m'excuse. Le petite anecdote, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé ça. Maudit que c'est bon. Arrête, j'en mange au moins une fois par mois. Ah ben là, ça, moi, ça y était. Eh ben, c'est ce que j'ai pris, non? Les coquilles. Sont bonnes. Oui. Moi, c'est fromage blanc, puis c'est trois fromages. Oui, c'est ça, les coquilles, trois fromages. Maudit. Génial. Bon, en tout cas. Qu'est-ce que l'anastémaphilie? Anastémaphilie. OK. Anna. Oui, déjà, comme une fille qui s'appelle Anna. Une fille, Anna. Oui. Anasté, stéroïde. petite couille. OK. Phobie. Fait que c'est la peur des filles qui s'appellent Anna qui ont des petites couilles. Waouh! Non, étrangement, l'anastémaphilie, c'est l'attirance sexuelle envers une personne à cause d'une différence de grandeur. Mmh. Plus grande, plus petite. C'est cool. Anastémaphilie. Il n'y a rien de malade. Fait que t'aimes ça les petites filles, mettons. Ou ben ouais, de la grandeur petite. Ah, différence. Hey, je peux pas dire ça comme ça. Non, là. S'il te plaît. Oh. Qu'est-ce que bourrou sera? Bourrou. OK, ça c'est quand tu manques d'énergie. OK. Puis tu prends les boissons énergétiques, les gourous. Gourous. Sauf que t'es tellement mêlé que finalement t'appelles ça des bourrous. Fait que t'aimes ça quand c'est... quand il y a de la... Comment qu'ils appellent ça? Comment ils appellent ça dans les Red Bull? De la taurine. Taurine. T'as vu quand il y a de la taurine? OK. Ben oui, ça aurait pu être ça. Sinon, un français, je suis bourré, tu vas bourreau, bourré. Faudrait me fatiguer avec ça. Bourrou-sérène, en fait, c'est un terme japonais qui réfère au fétichisme du sous-vêtement. Mm. Dont on a déjà parlé dans cette chronique-là. C'était pas si loin. Pas si loin, quand même, c'est ça. J'étais à 8000 km, je pense. Hématolagnie. Ah, c'est va rough ce matin. Hémato. OK. Hémato. Ah non, j'ai rien qui me vient non, pour celui-là. Parce que je pense qu'on l'a déjà fait, on a fait des blagues de mato électronique. Mais hématolagnie, c'est le fétichisme du sang. Tu boire du sang. Je vais reposer ma tasse de café. Ouais, ici. C'est ça. Ça donne pas tellement envie. Hein. Non. La journée la moins populaire de l'année pour regarder de la pornographie en ligne. La journée la moins populaire de l'année pour ça, c'est quand? À la fête de ta maman. C'est un peu inapproprié, en effet. Oui. Sinon, j'irais pour Pâques. Ah, c'est une bonne idée, mais non, c'est l'action de grâce américaine. Thanksgiving? Oui, la Thanksgiving. Ah ben, tout le monde est occupé à magasiner, hein? C'est ça! Hey! Pas le temps pour un porno? C'est ça. On remet ça plus tard. En moyenne, les femmes regardent dans le miroir, se regardent elles-mêmes dans le miroir 38 fois par jour. OK. Oh, ouais. Je l'ai pas fait deviner, celui-là, j'aurais pu te faire deviner. Un seul homme va produire assez de sperme à l'intérieur d'une période de 2 semaines pour imprégner chaque femme fertile de la planète. En 2 semaines. Après ça, ils diront qu'on n'est pas productif. C'est ça. Hein, on est très reproductif. T'es paresseux, tu retiens ton père, etc. Regarde. Lâche-moi. Des fois, une personne n'est pas émotionnellement disponible pour une relation parce que mentalement, ils veulent sortir avec quelqu'un d'autre. Tu vois, psychologiquement parlant, des fois, t'es fermé à une relation parce que tu penses trop à quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Un sondage nous apprend que la plupart des hommes préfèrent les brunettes que les blondes. Hein? Oh! Pourtant, tu sais, mais la croyance populaire aurait dit le contraire. Genre, mais les femmes, les filles blondes naturelles, c'est rare, en tabarnouche. Moi, je suis châtain. Ah oui, hein? ça paraît. Hein? C'est un genre de brun, ouais, mélangé avec du plus foncé, plus foncé. Mélangé avec du mouillé. Mais aussi, ouais, aussi. La cytophilie, qu'est-ce que c'est la cytophilie? Cyto, ça c'est quand tu fais l'amour, puis t'arrêtes pas de te citer. Ouais, j'ai déjà dit dans le passé que... Ah, ça c'était bon, dis-je plutôt. Oui, c'est ça, exactement. Continue, ai-je dit. Et c'est alors que je, soudain... s'exclama-t-il dans le pantalon. Oui. Non, la cétophilie, en fait, c'est une forme de fétichisme sexuel, oui, où les participants sont excités par des choses qui ont rapport avec la nourriture. Ah! Des situations érotiques avec la nourriture, cétophilie. Étrange. Qu'est-ce que l'agalmatophilie? J'en ai beaucoup trop aujourd'hui des affaires comme ça. C'est, agalmatophilie. OK, mais ben écoute, c'est correct. J'essaie d'être bon, puis... Agal. OK. Comme une gale? Oui, comme une gale. Agal. Mato. Mato? Ah non, ah, encore. Ouais. Électronique. Ou clamato, quelque chose comme clamato. Ça. Clamato. OK, c'est quand tu fais de la plongée sous-marine, mm-hmm. tu te fais manger par une palourde. Là, ça, avec un petit bout de céleri. Puis oui. Ça te fait une gale. Puis clamato. Waouh, miam, j'ai envie de licher ça. Agal, clamatophobie. Très fantastiquement intelligent. Mais l'agalmatophilie, en fait, c'est l'attirance sexuelle envers une statue, une poupée, un mannequin ou d'autres objets qui sont, dans le fond, pas des objets sexuels. Donc, quand t'es attiré par un objet comme ça, agalmatophilie. Oh, celui-là, est-ce que je me sais? Hébéphilie. H-E-B-E-philie. Ça, c'est ceux qui aiment le bois. Oh, ébéniste, hein? Ébénisterie, c'est fort! Mais non, en fait, c'est l'attirance sexuelle envers des jeunes prépubères. La la la. Ébéphilie, ça, c'est quand tu veux te gosser. Ébéphilie. Ben, il y a sûrement une différence là, dans les technicalités de peut-être ouais, que c'est ouais, juste ouais. l'attirance sexuelle et non pas coucher avec ou faire des affaires, je sais pas. Exactement. Bref, les détails. Il y a toujours des petites choses sournoises. Oui, il y a souvent des petites choses sournoises entre leurs jambes. Mais comme disait le pape. Calipigus, je sais pas trop comment dire en français. Calipigus, C-A-L-L-I-P-Y-G-O-U-S. C'est un mot qui décrit une fesse bien de bonne forme. OK. Lisse et ferme et de la bonne forme. Lisse et ferme. On a tous ça en tête, là. On sait ce que c'est, les fesses parfaites. Et Calipigus. Mettons, là, je tape ça sur Google Images. Ouais. Tu penses? Peut-être. Calipigus. C-A-L-L-I-P-Y-G-O-U-S. Si seulement il pouvait sortir une île avec que des belles fesses, les îles Galapagos. Galapagos. Oui, c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Merci. Amatripsis. Amatripsis. Est-ce que tu veux deviner ce que c'est? Amatripsis. Comment? Aïe, aïe. Je les ai toutes mis dans la même chronique. Ils sont vraiment très durs aujourd'hui. Amatripsis. OK, ça, c'est ceux qui ont une attirance. Pour les gens qui ont un gros membre, pis ça devient des triporteurs comme parce qu'ils ont deux jambes plus le entrée. Comment je pourrais bien appeler ça? L'entrejean. L'entrejean. Ben oui, du milieu très très très. L'entrejean du milieu comparé à mon entrejean que j'ai en dessous de oui. en dessous du genou. Amatripsis, non. Mais prenez-vous pas, c'est de la masturbation. En se frottant les lèvres du milieu féminine ensemble. Et on se lève debout, on applaudit. Bravo! Amatripsis. J'avais dit que c'était pour un public plus ou moins averti. Oui. Le geste du doigt du milieu. Le va chier. Pétrir. Mm-hmm. Bref, ce geste-là a des origines en Grèce antique. C'est un symbole pour des relations anales. Ah! Des relations anales. Les relations anales. Les fofounes. Les relations anales. Les fofounes. Les quatre. Un plus petit ratio, ok, une différence de grandeur entre le doigt où tu mets la bague, là, c'est l'auricule, celui avant le petit doigt, là, oui, et l'index, ok, un peu plus petit ratio entre ce doigt de bague là et l'index est lié apparemment selon une étude à la grosseur du pénis. Oh. Donc moins t'as de différence de grandeur entre. ok, ils sont pas mal exactement pareils, hein. Moi aussi. Ouais, hein. Fait que ça veut dire, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est lié. Ah! Il n'y a pas de tableau ou de chart. De charte québécoise des. Je suis lié. On est lié. On est lié. On est frères de. Bit by bit. Qu'est-ce que l'altocalciphilie? Altocalciphilie. Ça, c'est ceux qui chantent du alto. Okay. Ils font de la calvitie. C'est connu, ils sont tous chauves. Oui. Ouais. Fait que, ben c'est ça. C'est tout. Des gens qui chantent du alto puis qui sont calvitiques. Ça aurait du sens, dit de même. Mais... calvitiques. T'as de la conviction dans tes... Oui. Mais c'est pas ça. En fait, c'est d'attribuer des qualités sexuelles attirantes, OK, à des souliers ou d'autres choses qu'on porte dans les pieds. Altocalciphilie, c'est quand t'es attiré sexuellement ou tu lui donnes des qualités sexuelles à ces souliers-là. On appelle ça aussi du rétifisme. Comme genre des gougounes. C'est ça, mais dépendant. Parce que j'avoue que des gougounes, c'est un peu moins sexy. C'est des comme crocs. C'est des crocs. Ça va être quoi, tu sais, justement, des crocs, là. Come on. C'est pas attirant pantoute, là. T'as un problème de goût, c'est ce que tu fais. Ensuite, allons-y avec notre prochain effet dans King Sexy Time. L'amorophilie. Amorophilie. Ça, c'est ceux qui sont trop amoureux. Trop amoureux. C'est la préférence sexuelle envers des gens qui sont aveugles ou qui sont bandés sur les yeux pour avoir des relations sexuelles dans le noir complet. Amorophilie. Il y a toutes les fantasmes que tu peux avoir dans la vie. C'est quand même incroyable. Hein? Je suis trop amoureux de la dame en bleu. C'est ça, hein? C'est ça? Oui, exactement. Comment ça, je connais ça? L'infantilisme paraphilique, maintenant, c'est une paraphilie, donc une philie alternative, là, genre moins retrouvée dans la nature, là, si on veut, où la personne désire porter des couches et se faire traiter comme un enfant. Ah oui. C'est l'infantilisme paraphilique. Certains hommes et certaines femmes peuvent avoir un orgasme en utilisant un tapis roulant, tu sais, pour le gym, là, pour s'entraîner, hein? pas chez Sears, genre pour monter au deuxième étage. Ouais. Quoique. Tu bouges pas bien là-dedans. Non. Peut-être pour descendre. Mais t'as ça, là? C'est quoi qui... J'ai ça? Non, j'ai non, pas... Non, c'est quoi qui aime? Hein? C'est quoi qui aime? Ils aiment rien, mais c'est que sûrement que leur... Peut-être que les lèvres, entre autres, chez la femme, sont peut-être un petit peu plus grosses, puis peut-être que c'est plus facile de tu sais, des fois, quand ça se frotte, ça frotte. Et moi, j'ai juste la sensation de brûlure, là, qui me vient en tête, là. algale quelque chose. Algale, oui. Clamato. Les Romains utilisaient une plante qui s'appelait le silphium. C'était un contraceptif, le silphium. Ils ont tellement eu de relations sexuelles à l'époque, OK, que ça a mené à l'extinction du silphium. Oh. Il n'y en a plus. Quelque chose, okay. Hein? Quand même. Uh-huh. La cause la plus commune, la plus, dans le fond, répandue, de la fracture du pénis. Qu'est-ce que c'est, la cause la plus répandue pour se fracturer l'entrejean? OK, un entrejean féminin trop puissant. Ah! Ou, si seulement. Trop, non. Non? C'est la masturbation vigoureuse. Et si ça t'arrive, dis-toi que tu le fais pas correctement. Oui, c'est ça. Suivez les instructions à la télévision. C'est l'item 404. Ah, à la boutique, c'est fou. Oui. Voilà pour la première partie de Kinky Sexy Time. On va en faire une deuxième tantôt pour compenser pour notre amie Marie-Laurence. Oui. Mais avant ça, j'ai mentionné le nom de cette chanson précédemment dans la chronique. Voici Mother, Mother et Bit by Bit. A bit par bit. A bit par bit. Mother, Mother. On est frères de bit. Ah, excuse-moi, je l'ai dit. Ah. Non. De mégabit, mégaoctet, oui. Ça, je veux dire, on est frères de clé USB. On se passe notre clé USB. Oui. Dans les fesses. Hein? Bit by bit. I'm gonna get my bricks out in the sticks, bit by bit. I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da. We'll be right back. a little wicked thing. Bit by bit, I'm gonna get my bricks out in the sticks. Bit by bit, I'm gonna build my house in the wildest thickets. I'm gonna get away from all those miles and my shit. I'm gonna say goodbye to all the la-di-da-di-da-di-da-di-da. Mother, mother, bit by bit. Au retour, deuxième partie de Kinky Sexy Time. Puis on va se parler de quelque chose de hot. Ouais, on va faire un petit dimanche mon cas, je pense. Oui, je pense que oui. Au retour, Assemblage Ricky, restez là. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce mardi 3 décembre 2013, il est Jean-Philippe Charbonneau. Et il est Mathieu Plante. Oh oui! Encore une fois, on parle de bouffe à ronde. C'est incroyable, hein? On n'arrête jamais, mais tantôt, on va en parler en onde aussi. Mm-hmm. Donc restez là. Avancez, il va y avoir la deuxième partie de Kinky Sexy Time. Et encore avant ça, en musique, voici Imaginary Cities. Finalement, les mardis, c'est tout ce qui peut se manger. Oui, c'est All You Can Eat Tuesdays on Summer's Family Required. Oui! C'est super anglophone. tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui tombe à l'automne, comme un matin de rentrée, un cadran qui sonne. Tout ce qui tombe à l'eau, tout ce qui fait faux bon, me donne envie de plonger pour voir si dans le fond y'a pas un escabeau pour me remonter le moral au-dessus des normales de saison et des jours en queue de poisson. Jusque dans le piano, les trucs que tu redonnes en oubliant les mots. Tout ce qui tombe à l'eau me donne le goût de ramasser, me raquer le malheur avant de reculer là. Le vent du nord qui vient me dire de changer d'air puis de sourire. Quand t'arrives dans ma vie comme un manège étourdi, le vent vire, peux-tu me dire comme une locomotive dans ma vie. T'arrives toujours avant que je tombe de tombe à l'automne. La chanson type thème prototype d'assemblage requis où les blagues tombent à l'eau. Oui, allô. Allô. Allô. Les blagues tomb in the water. Tom in the water. Tom in the water. Tomb Raider. Tomb Raider, ça vient de là. Ça tombe à l'eau. C'est ça, je pense. Tomb Raider, les jeux vidéo. Deuxième partie de Kinky Sexy Time. Toujours dans Kinky Sexy Time, la chronique plus ou moins avertie. Pour les gens avertis. Pour, oui, c'est ça, parce que la chronique comme le fromage. Elle, c'est le fromage averti. Averti. Oh! Savais-tu que le mot fétiche, à la base, on a parlé plusieurs fois de fétiche dans la première partie de ton retour, mais le mot fétiche, à l'origine, n'avait rien à voir avec le sexe. Ah. C'est vrai. Donc, on appelle fétichisme sexuel, dans le fond, le fait d'être excité par un objet physique ou une situation, quelque chose, tout n'importe quoi. On appelle la situation ou la chose, l'objet de notre fétiche, le fétiche, alors que la personne qui a ce fétiche-là est un fétichiste, si on sait ça. Ouais. Par contre, le mot, c'est ça, a une définition assez différente si on regarde en dictionnaire. Là. À l'origine, c'était un fétiche, c'était un objet qui avait des pouvoirs supernaturels ou surnaturels, ou en particulier un objet fabriqué par l'homme qui avait un pouvoir sur les gens. Donc essentiellement, le fétichisme, ben, c'est l'attribution d'un pouvoir ou d'une valeur à un objet. OK. Quand même, on a changé ça avec le temps pour devenir plus sexuel. Ouais. Eh ben... Ensuite, la célèbre sex symbol Marilyn Monroe n'a pas pu avoir d'orgasme avant de voir un psychiatre vers la fin de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé, ben, Mathieu? Oui, ben tiens. Donc, un peu comme Madame Monroe pour pas mal toute sa vie, 10% des femmes n'ont jamais vécu l'orgasme. Donc, c'est ça. Il y en a qui vont dire que c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne encore. Mais non, c'est parce que les personnes que c'est plus, sont moins sensibles. L'accès vers l'orgasme est dans un endroit où il est peut-être moins atteignable par l'engin masculin. Bref. Des fois, ça peut venir d'une condition physique, mais c'est aussi simple que d'avoir un corps qui est trop relaxé ou un esprit, dans le fond, ton cerveau, qui est pas assez relaxé. T'es tout le temps en train de penser à autre chose, donc t'as de la difficulté à te rendre. Marilyn Monroe a été un cas quand même assez intéressant parce que, bon, elle était le sexe symbole des années 50, mais elle réussissait pas à se rendre elle-même à la finalité de l'acte, même avec des vedettes qu'on sait qu'elle a eu des relations avec, comme c'est le joueur de baseball, je crois, Joe DiMaggio et les frères Kennedy en politique. Quelques jours avant sa mort, Monroe a enregistré des cassettes audio pour son docteur Ralph Greenson, le remerciant l'avoir aidé à surpasser ses frustrations sexuelles, passer par-dessus ses frustrations sexuelles. Donc, elle s'est rendue à même jusqu'au point d'avoir des orgasmes multiples. Wow! Dans une même relation. Justement, c'est inarrêtable. C'est ça. Fra. Ça, c'est quand t'as couché avec un rapper, là. Ouais. Fra. ensuite, tiens. Allons-y avec celui-là. Tiens, les hommes et les femmes se sont fait offrir des toilettes séparées pour la première fois à un bal à Paris en 1739. C'est la première fois qu'on avait des toilettes séparées pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, en passant, prennent un minimum de 60 secondes pour utiliser la toilette en moyenne, alors que les hommes ont besoin en moyenne de 35 secondes pour un urinoir. Aussi, vu que les femmes et que les salles de bain des femmes et des hommes ont tendance à être de la même grandeur physiquement, donc on parle de la cuvette, et que les toilettes, donc assises, prennent plus de place que les urinoirs, ben les toilettes pour hommes peuvent accommoder plus de personnes que les toilettes pour femmes. C'est la raison, souvent, pour lesquelles il y a plus une ligne d'attente à la toilette des femmes, qu'à la toilette des hommes. Et d'ailleurs, ben, on dit souvent, quand on parle de toilettes, mais ici, à l'université, à un moment donné, il avait construit une deuxième toilette pour femmes, et il y en avait juste une pour hommes, ben, parce que Colin, il a besoin de plus de place. C'est un kinky fact. D'ailleurs, il y a des États aux États-Unis qui ont ce qu'on appelle une loi Potty Priority pour ce problème-là. Ça reconnaît qu'il doit y avoir environ deux fois plus de toilettes pour femmes que de toilettes pour hommes. Et en Nouvelle-Zélande, on dit que c'est d'aller en rencontre les droits de la femme, de forcer une femme d'attendre plus de 3 minutes pour se soulager. Ah! Intéressant. Et le 19 novembre dernier, c'était la journée nationale de la toilette. Pas de la nationale, pardon, mondiale. Mondiale! Partout dans le monde, ça se mettait partout des toilettes. Donc, c'était ça. Ensuite de ça, il y avait une secte en Russie dans les années 1800 où les gens coupaient leurs organes sexuels. OK. Donc, la castration, c'est quand même pas quelque chose de rare à travers l'histoire. C'était à mode. C'était bien buzz. Ça a créé le buzz sur le web. Sans cesse. Donc, cette secte-là était particulièrement étrange. Ça s'appelait les Skoptski. S-K-O-P-T-S-K-Y. Ça se prononce très mal, Skoptski. Et c'était une secte secrète en Russie. Donc, ils croyaient qu'après l'expulsion du jardin d'Éden, c'est ça le jardin d'Éden dans la Bible? Qu'Adam et Ève avaient chacun s'était fait, dans le fond, implanter, si on veut, le fruit interdit à moitié dans l'homme et à moitié dans la femme. Donc, c'est devenu les testicules et les seins de la femme. OK. Le fruit défendu. Bref, c'est ça. Ils pouvaient rétablir l'équilibre en coupant complètement leurs organes, donc les testicules ou les seins. Les hommes pouvaient choisir entre la petite et la grande castration, si on veut. Donc, soit on enlevait seulement les testicules ou on enlevait aussi l'engin au complet. Après avoir enlevé l'engin, ils utilisaient ce qu'ils appellent un cow horn. Horn, c'est une corne, donc une corne de vache. J'ai comme la misère à voir qu'est-ce que c'est, mais en tout cas, une corne de vache pour uriner à la place d'un engin. Et puis, ils utilisaient des outils très primitifs pour faire l'opération. Par exemple, un couteau à raser, pour se raser la barbe, sans aucun truc d'anesthésie. Là. Et puis, bref, quand les bolcheviks ont pris le contrôle en 1917, ils ont arrêté cette secte-là. Et puis, voilà, donc les Skoptski, c'était leur nom. On dirait, mettons, là, je te reçois à Noël, Mathieu. Oui. Est-ce que je pourrais te servir des petits Skoptski? Skoptski? Skoptski? Skoptski? On dirait quelque chose de bien fancy, là. Comme, des amuse-bouches? Oui. Oui. C'est comme un cupcake, mais denté. Des Skoptski? J'appelle mes testicules les petits gâteaux. Bien sucré. Wow! Et il y a une autre secte qui ne permet pas à ses membres d'avoir des relations sexuelles. Et puis, ben, crime, ça va s'éteindre bientôt, cette secte-là. C'est la United Society of Believers in Christ's Second Appearing. On les appelle aussi les Shakers. Comme une poivrière, le oui. Shaker. Bref, c'est une secte religieuse. fondée par Anne-Lee. Les Shakers sont surtout reconnus pour leur contribution culturelle et leur modèle d'égalité des sexes qu'ils ont démarré blablabla, dans les années 1780. Bon, on se fout un petit peu de leur début quand même, mais 1780. Et les Shakers croyaient que Mother Anne, la fille d'un blacksmith anglais, blacksmith, c'est ceux qui faisaient des... c'était-tu des épées, je crois, des blacksmiths? Bref, était la manifestation féminine du Christ. D'accord. Donc, est-ce que je peux sauter plus loin un peu? Ah, t'as le droit de faire ce que tu veux. Je pense que oui. J'ai de la misère à trouver le but de cet article-là. Bref. Mais ils n'ont pas l'air d'avoir de relations sexuelles. Et puis, c'est ça. Ben, la secte est en train de s'écrouler par elle-même parce qu'il n'y a personne qui a le droit d'avoir des relations sexuelles. Donc, ça. Fait qu'il y a 10 personnes qui sont parties. C'est ça. Puis, c'est ça. Ça s'en va en descendant. Et voilà. C'est pas mal ça. Hein? Il ne reste que 3 shakers. T'as tout compris? Oui. Il reste seulement 3 shakers. Et puis, il y en a un qui a quitté la secte parce qu'il a trouvé l'amour. Oh. Étant donné qu'ils n'ont pas l'air d'avoir de relations, leur secte vient de descendre d'un chiffre et d'une personne est près de la fin. Voilà. On a compris le principe. La ménopause peut être blâmée sur les hommes. Une nouvelle étude de la McMaster University nous apprend que les hommes sont partiellement responsables pour l'existence de la ménopause chez les femmes. La ménopause est un phénomène très, très humain. En fait, c'est très rare dans d'autres espèces. Et pourquoi est-ce que ça a lieu? Les chercheurs croient que les hommes ont une préférence pour les femmes plus jeunes depuis le début de l'histoire. On appelle ça le preferential mating, donc l'accouplement préférentiel. Et selon cette... Oui, c'est un drôle de terme. Et oui, c'est cette... décomposable dans les deux sens. Oui, voilà. Selon cette théorie-là, les femmes mettent toutes leurs ressources pour la procréation dans leur plus jeune âge. Donc, elles vont se donner dans leur jeune âge. Et quand elles ont plus ces ressources-là, la ménopause arrive. D'autres chercheurs, eux, croient que c'est le contraire complètement, que les hommes ont développé une préférence pour les femmes plus jeunes parce que les femmes plus vieilles entraient en ménopause. Donc, l'un dit que ça va d'un bord, l'autre dit que ça va de l'autre bord. C'est comme preferential mating et l'accouplement préférentiel. Voilà. Voilà. Bref, les hommes ont à voir avec la ménopause. C'est un peu comme, si tu vas à l'hôtel, tu sais, tu peux prendre la chambre standard. Ouais. Tu peux aussi prendre la suite présidentielle. La suite présidentielle, l'accouplement préférentiel. L'accouplement préférentiel. Tu peux faire ça dans l'équipe de danseuses. OK. Oui. Mm. Tu peux prendre la chambre standard ou l'accouplement préférentiel. Ça va avec la carte des vagins, c'est ça? Oui, exactement. Toujours, à chaque fois qu'on en parle. Les larmes peuvent éteindre sexuellement les hommes. Oh. Les larmes, c'est très puissant. Ça contient une phéromone qui peut abaisser le niveau de testostérone. Même s'il n'y a pas d'odeur remarquable dans les larmes, juste l'action de sentir, sniffer les larmes, ça peut baisser le niveau de testostérone et le sex drive, donc la libido d'un homme. Dans une étude, les hommes étaient incapables de détecter la différence entre les vraies et les fausses larmes. De la solution saline, ils étaient incapables de déterminer la différence, laquelle était vraie, laquelle était fausse, en les sentant. Par contre, s'ils prenaient des... les gens qui s'occupent de l'étude ont pris des morceaux de... je sais pas avec quoi ils faisaient ça, un morceau de bois, peu importe. Ouais. Ils prenaient un extrait de salive de l'homme et ça a révélé une baisse du niveau de testostérone après avoir senti des vraies larmes. Okay. Donc, quand ils sentaient des vraies larmes, il y avait moins de testostérone dans leur bave, leur salive. Les hommes aussi avaient tendance à trouver les femmes moins attirantes après avoir senti de vraies larmes. Et dans des scans MRI, là, ça c'est le truc où ils scannent, je crois que c'est le cerveau, ça indiquait que sentir des larmes tout en regardant un film triste, ça désactivait le réseau dans le cerveau là, qui est associé avec l'activité sexuelle. Okay. Donc, ils n'avaient pas envie d'avoir des relations. Ça fait du sens. Vraiment, et c'est quand même cool qu'il y ait fait une étude là-dessus. Ouais. Et finalement, il y a un groupe de musique qui s'appelle Rock Bitch. Oui, qui est devenu célèbre en lançant des Golden Condoms, des condoms dorés dans leur public. Mais pourquoi, me demanderas-tu? Oui, pourquoi, Mathieu? Pourquoi? C'est que la personne qui l'attrapait avait droit à des relations sexuelles avec les membres du groupe qui étaient des femmes. C'est un groupe féminin, donc de rock. Et puis, ils sont devenus célèbres parce qu'ils performaient nus. Il y avait des relations sexuelles dans leur performance, dans le fond, dans le spectacle, sur la scène. Et on pourrait dire qu'ils étaient à l'avant-plan, si on veut, du mouvement de libération sexuelle. Ils ont fait des tournées de spectacles un peu partout en Europe et au Canada. Et souvent, leur thématique sexuelle les a fait bannir, si on veut. Ils ont été bannis à cause de ça en Écosse et au Canada, entre autres. Même s'ils étaient célèbres pour leur relation sexuelle sur la scène, ils avaient aussi ce qu'on appelait, comme j'ai dit plus tôt, le Golden Condom. Et à un certain point dans leur spectacle, ils lançaient des condoms dorés dans la foule. Et la personne qui l'attrapait se faisait amener backstage, à l'arrière-scène. Que tu sois homme ou femme, il y avait tout de suite des relations sexuelles avec toi. C'était des femmes dans le groupe, mais ils avaient des relations avec peu importe qui. Donc, c'était un peu comme Charlie et la chocolaterie, sauf qu'à la place d'être en danger de manger trop de chocolat, t'avais plus de risques d'attraper des maladies. On est loin du t-shirt. Ils font tirer. Wouhou! Faites du bruit! Ouais, là, c'est comme faites du bruit, mais je lance des capotes. Puis à la place d'un encore, à la fin du spectacle, c'est plus encore comme dans le sexe. Ouais. Plus fort, plus loin, plus vite. Donc voilà pour Kinky Sexy Time. Intéressant. En effet. Intéressant. Certainement. Oui. Effectivement. Effectivement, Jacques. C'est ça. Tout à fait mon cercle. Voilà, allez voir les liens. Plusieurs liens. Il y en a pas mal, en fait, comme une trentaine sur assemblagerequis.com dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, toujours Assemblage Requis, 8h23 environ. On arrive environ. Environ. Ben, ça dépend de l'horloge. Très précisément. Ben 23, 8 secondes. Tantôt, on aura Mathieu Roy et sa chronique de la GEQTR. Mais avant ça, j'ai envie qu'on le fasse tout de suite. Ah, ben vas-y. On est là, on va aller en musique. Je veux pas qu'on aille en musique, qu'on revienne puis qu'on retourne en musique. Ça va être plate un peu. T'sais. Donc, à la place, tu te rappelles, la semaine passée, on a fait quelque chose d'assez intéressant. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. Oui. On avait écouté un album d'On a créé un monstre en partie. Oui, exactement. Trois chansons, je pense. Ouais, ouais, ouais. De mémoire d'homme. Oui. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Voici le poste d'écoute d'Assemblage Requis. C'est le poste d'écoute d'Assemblage Requis. On écoute un album en partie. On choisit des pièces un peu au hasard. Et je pense qu'on va y aller avec Jacques Mort aujourd'hui. Oui, Jacques Mort, ça commence à faire quelques semaines qu'on l'a reçu, mais on n'a pas écouté assez, je trouve. Mais oui, puis je pense que quand on a eu l'idée de faire ça, avec On a créé un monstre, on s'est dit... je pense que c'est la première chose qui nous est venue en tête tous les deux. Vraiment faire... oui, il faut faire ça avec Jacques Mort. Absolument. Il y en a plein d'autres très bons candidats dans le palmarès en ce moment. Mais on, à la fois. Hein. On verra. C'est ça. Chacun son tour. Oui, chacun Arrêtez, son tour. Restez tranquille. Silence. À l'ordre. Et ça donne bien que ce soit du francophone, parce qu'on aime ça, le francophone, nous autres, à Sondage Requis, pour réussir à remplir nos quotas. Donc, on va commencer avec le premier extrait de l'album La Montagne de Feu. C'est l'extrait qui est dans le palmarès en ce moment. Je pense que ça devrait être une bonne idée. Après ça, on va avoir le choix. On va choisir par les titres, OK? OK. Et je vais t'en nommer et on va prendre en note ceux qu'on aurait envie d'entendre, OK? Parfait. On a Squelette de bois. Parfait. Nyctalope, Panier de crabe, Lapis Lazuli, Père Hippie, Renard, Nos vieux os ou os, Roulis roulant, Faux pas et La loi du moindre effort. Panier de crabe me tente. C'est vrai, hein? Moi aussi, j'avoue. Puis je te laisse choisir l'autre. J'aurais envie de dire roulis roulant parce que je trouve que c'est un drôle de mot. Ouais, et je serais allé avec ça aussi. Toi? Donc, on va écouter Panier de crabe et roulis roulant plus tard, mais au début, on débute avec Adieu mes chats. C'est l'extrait du palmarès francophone dans le poste d'écoute d'Assemblage Requis. Thank you. Jacques Mort, adieu mes chats. Adieu, adieu. Adieu mes chats. On est en plein milieu du poste d'écoute. Tantôt, on a déterminé les pièces qu'on allait entendre comme on le fait toujours. Oui, on donc, a eu. On va écouter Panier de crème, Mathieu. Quoi? Puis roulis, roula. Roulis, roula. Es-tu bon pour rouler tes airs? Jacques Mort, on va écouter roulis, roula. Oh, il est bizarre ton roulement. On dirait qu'il sort plus d'en arrière que de la langue. Moi, ça sort de la gorge. Ouais, hein? Ouais, c'est très guttural. Je suis. Je suis goûteux. T'es goûteux. Ral, comment t'appelles? Ouais. T'es goûteux, Ral. Ouais, Ral Canoe. Ouais. Ral Canoe. Donc, roulez-vous-là à la fin, mais là, ça va être panier de crabe, puis on tenait juste à venir vous parler, parce que quand vous vous sentez seul, sinon... Hein. Mais, moi, que c'est bon, Jacques Mort. Hein, mais hein. Ça va continuer de même pendant deux autres chansons. Après ça, on parle d'humidificateur. OK, oui. C'est l'émission matinale en pièces détachées, assemblage requis, assez fou. Jusqu'à 9h30. 9h30. Et la peur. Jacques Mort et la pièce Roulis Roulant, précédée de Panier de Crabe. On l'a entendu au début à Dieu mes chats. Trois pièces de l'album La Montagne de Feu. Et parlons un peu. Ah, vas-y. C'est très bon. C'est excellent. C'est vraiment très bon. C'est génial. C'est fantastique. J'ai hâte de l'écouter au complet. Les mots me manquent pour me dire. Les poils me lèvent. Oui. Les mots me lèvent et les poils me manquent. Oui, puis il n'y a pas juste le poil qui te lève à ce que je vois ici. Oh! Oh! Oh! Fondé en 2004 par Thomas Augustin de Malajube, Julien Bacvis de Métagruau, un autre vétéran des palmarès, c'est fou. Julien Micalac de Métagruau et Bateau Noir, encore des. Bah, pas vétéran du palmarès celui-là, mais apprécié quand même. Jacques Mars à faire d'abord à une pop casse-tête et sensible, mathématique et tramée. Qui voit un premier aboutissement dans le maxi d'anglais sorti en 2007. Ça fait vraiment plus longtemps qu'on le pensait. Ça fait quoi? 7 ans? Oui, mais ça faisait très longtemps. Beaucoup trop. 5 pièces enregistrées en une semaine dans un chalet des Cantons de l'Est. Après un hiatus de 5 ans, découlant de l'activité de Malajube, j'imagine qu'ils ont commencé à l'enregistrer il y a 2 ans. Thomas poursuit quelques maquettes au piano et la formation Sapari, Mélissa Dimena de Métagruau et Rémi Nadeau-Aubin de Hot Springs, que j'adore aussi, et Bateau Noir. Pour se remettre à la composition à l'hiver 2012 et enregistrer différentes chansons à la maison et en studio. Sessions qui seront débroussaillées et mixées par Jason Lezek. En résultera La Montagne de Feu, un premier album complet marqué d'expériences, d'amitié, de séparation, de plage, de chat et de père hippie et une célébration des affections qui nous unissent. Ah, c'est beau! J'aime ça! Oui. Jacques Mort, La Montagne de Feu, allez sur Bandcamp, jacquemort.bandcamp.com pour vous le procurer, l'écouter au complet. Sinon, ça se glisse bien dans un bon Noël, ça? Oui! Oui! Il y a le maxi aussi à se procurer. Il existe encore. Hein? C'est pas parce qu'on joue La Montagne de Feu maintenant qu'on ne se rappelle pas des souvenirs. Même que j'en ai fait jouer quelques-unes des pièces de Dandelay la semaine passée. Oui, exact. Dans le bloc qui était deux fois. Voilà pour le poste d'écoute d'Assemblage requis. C'était excellent. Pas de job, ça? Oui. La Montagne de Feu de Jacques Mort. Qu'est-ce qu'on met dans le prochain poste d'écoute? Est-ce qu'on se tente? Est-ce qu'on se tente? Tentons-nous. On avait dit quelque chose à quelque part là-dedans, si oui, je me rappelle. Écoute, dans ma tête, ça faisait Jacques Mort et on là, verra. Attends un peu. Peut-être que si je regarde rapidement. Non. Quelque chose que tout le monde veut entendre, tu sais, comme mettons, si tu me disais Royal Canoe, tu sais, mettons, quelque chose comme ça, peut-être. T'sais. Ouais, mettons, je te dis Royal Canoe. Peut-être. T'sais. Ouais. C'est bon, ça. Peut-être. Mais s'il y a pas d'autre chose. Mettons, si on avait été un mois et demi en avant, je t'aurais dit The Cat Empire. Mais là, je pense qu'on est en train de perdre le momentum. Commence à être tard sur le momentum, j'en avoue. Ouais. Sinon. Bon, on verra. Ben oui. On verra. Je m'excuse, Mathieu. On dirait que je l'ai perdu. C'est pas grave, tu sais. Je l'ai perdu. L'as-tu déjà eu? Non. C'est une bonne blague. Donc, on se quitte là-dessus pour le poste d'écoute. Dans quelques instants, il y aura Mathieu Roy, sa collègue de la GAQTR. On aura aussi Alexandra Carignan qui nous arrivera dans une vingtaine de minutes environ pour sa chronique Le Temps d'une culture. Mais avant ça, on prend la pause qu'on a manqué il y a 10 minutes. Mais avant toute chose, disons-nous à tantôt. À tantôt. À tantôt. Oui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui, on se demande si on aura le temps de parler de sauce piquante aujourd'hui. Je sais pas. Au pire, on va passer à jeudi, si je suis là. Promets rien que tu ne pourras pas exaucer. Une pine. Et une pine contre toi-même. Ouais. C'est fun de s'auto-piner, hein? Ben, je fais ça sans cesse. Oui, quand tu peux te permettre ça. C'est ouais. Quand ma mère n'est pas là. Attends un peu! Tout à l'heure, Alexandre Carignan et sa chronique Le Temps d'une culture. Peut-être la chronique de la GAQTR aussi dans les prochains instants. Si tout va bien, mais avant ça, Colin, avant ça, ça veut dire qu'on a encore de la place pour de la musique? Oui! Yeah! Peut-être parler de sauce. Peut-être pas. J'ai pas envie de commencer à parler de sauce, on n'est pas pour pouvoir finir. Oui, hein. Je sais. Je pense qu'on va pouvoir. Je sais pas. Parce que moi, j'ai envie de parler de sauce. Là. Oui. C'est bon, la sauce. Surtout quand c'est un petit peu piquant. Puis on a tellement parlé qu'il faut qu'on en parle. Oui. Et pour de vrai, les gens ne le voient pas à la maison, mais j'ai la jambe qui shake. La jambe droite, là, je suis comme... Il est sur Google Images, puis il tape Frank's Red Hot, puis il a trouvé un galon genre de sauce piquante. Pour de vrai, là, c'est comme le paradis ici. Voici Janice Plus et Astéroïde. Tu veux-tu m'en mettre un petit peu sur le dos? Quand tu veux, man. OK. On dévoile trop nos vies. Oui, je pense que oui. J'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. D'astéroïdes. Un rythme effréné. J'accélère bien sûr, vite laisse-moi me détacher de cette ceinture d'astéroïdes. D'astéroïdes. C'était en vue ton province. Dans ton caravane. Jalice Plus et Astéroïde dans Assemblage requis sur le C'est fou 81 FM. Et s'il y a quelque chose dans la vie, Jean-Philippe, qu'on aime... J'en peux plus, Mathieu. Ouais. J'en peux plus. T'en peux plus d'aimer, hein, c'est ça l'affaire. Comme j'ai toujours envie d'aimer de toi. De, hein, de Frank Sweda. Frank Sweda. Voici Tu manges mon cœur. Oh. Vers toi. Si tu manges mon cœur, la chronique des coups de cœur des animateurs, l'assemblage requis. Et là, tout le long de l'intro, JP ne pouvait plus se retenir. Il voulait parler de sa sauce Frank Sweda. Et là, aujourd'hui, on va partager notre... On partage notre cœur. On mange le cœur avec la sauce. Ah, ça va être bon, peu importe la saveur. Mais qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Est-ce qu'on déjeune le matin? Ben, pourtant. Il faut tout le temps qu'on parle de d'ailes de poulet, de sauce piquante. Je veux pas blâmer personne, mais c'est ta faute, man. Je pense que oui. Mais c'est ça l'affaire, c'est parce qu'à chaque matin, matin, je sais pas pourquoi, mais tu cherches quelque chose qui te mène à des ailes de poulet oui. et à des la sauce Red Hot. Et là, on a déjà parlé un peu de sauce Red Hot dans la chronique Tu manges mon cœur. C'est pas la première fois que je me rappelle avoir fait ça. Oui, mais en fait, on y allait plus sur les ailes de poulet. C'est vrai. Puis là, on met plus l'emphase sur la sauce piquante. Chacun son tour. On va aussi parler de poulet. Oui, accessoirement. Ben oui, accessoirement. Mais Mathieu, tout ça a commencé aussi quand on a parlé, il me semble hier, oui. hors d'onde. De la nouvelle sauce Red Hot. Il y a une nouvelle sauce, je l'ai vue à l'épicerie. Il y avait un emballage de deux sauces Red Hot et à l'intérieur de ça, il y avait une sauce Bollywood à l'indienne, man. J'ai envie de pleurer, moi. Pour vrai, moi, ben, pas juste à cause que c'est piquant, j'ai comme la morve au nez aussi, c'est pas juste parce que c'est piquant. Mais il y avait une sauce Bollywood à l'indienne et là, entre-temps, mais pas, non, pas, oui, entre-temps, depuis hier, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je suis allé à une autre épicerie. Lundi était un jour d'épicerie pour nous. Oui. Et j'ai vu à côté de la Bollywood, parce que là, j'ai vu Hollywood, ça m'a fait comme ding ding ding ding ding ding, il faut que je l'achète. Et là, je regarde juste à côté, et il y avait Slammin' Sriracha. Je sais pas si tu sais ce que c'est le Sriracha. C'est pas le piment le plus fort au monde, ça? Je sais pas, mais c'est extrêmement fort. Oui. Et chez Subway, en ce moment, il y a un sous-marin au Sriracha doux. Okay? Okay. Donc, c'est ironique un petit peu ou paradoxal de dire Sriracha doux. Mais quand même, donc j'ai acheté la Slammin' Sriracha et elle est écœurante. La Sriracha, la Sriracha. Mais c'est vraiment, vraiment bon et j'ai pas encore essayé la Bollywood, mais toi, t'es allé voir sur Internet et il y a d'autres choses à se procurer de Fresh Red Hot. Oui, ben écoute, d'abord, la Frank's Red Hot, c'est pour la sauce. Hein? Sauf oui. que tu peux aller sur le. Ça s'appelle le. Zizzle.ca/ Frank's Red Hot. Puis t'as tous les produits dérivés. Tu peux avoir la cravate. Oh non! Ah oh, Mathieu, attends, excuse-moi, je t'avais pas montré. Mais on a le fameux petit gilet pour chien. Ah, c'est beau l'hiver, ça. Hein? Oui. Mon chien aime la sauce Frank's Red Hot. Ouais, c'est ça. C'est sûr bien. Que non. C'est sûr que non. Probablement pas, en fait. Sûrement qu'il va se tourner en rond puis après sa queue. Si tu en mets. Oui, mais ça, c'est sa queue. Peut-être que ça va lui faire tourner en rond. Oui, puis ouais. peut-être aussi ça va le brûler. On accueille Mathieu Roy entre-temps s'il veut participer. Oh! Oh! Oh! Bonjour à tous. Salut. Alors, Frank's Red Hot. Toi, t'es-tu genre épicé, Mathieu? Ah, pas en tout. Non, pas du tout. Moi, c'est pas ma grande tendance, mettons, l'épice. OK. Non. Bon. Ben, moi, personnellement, à l'époque, j'aurais pas été en Inde pour trouver des épices. Non. On y en est sur le micro. Je restais bien tranquille dans ma barque. Oui. Oui, j'aurais pêché. Oui. Mais oui, pêcher peut-être. Pêcher dans le sens de pêcher. Du poisson avec de la sauce Red Hot en pêcher. Non, il aurait peut-être juste pêché dans le sens il aurait peut-être bu de la sauce Red Hot en cachet. Ah, je comprends. Il aurait pêché. Oh. Oh. Je savais pas que c'était dans les 10 commandements. Oui. Pêcher. Ben, ça dépend de la religion, j'imagine. La Frank's Red Hot. Laquelle religion interdit la Frank's Red Hot? Frank's Red Hot, c'est basé sur Saint-François d'Assise, ça, je pense. Hein? Oui, ou la fameuse. Les 10 commandements du cuisinier rebelle. Ça doit être ça. Stéphano. Remplis-toi le faillitant. Stéphano Fafard. C'est ça. Donc, cravate, bas, culotte, je sais pas. Écoute, tout ce que tu veux. Il y a des affaires pour enfants. Tablier, chandail, casquette, name it. Mais nomme-moi, t'étais dans la section des produits tantôt. Il y en avait en grosse cruche. Là. Nomme-nous les saveurs qu'on connaît pas de Frank's Red Hot. Il y en a plein qu'on aime et qu'on veut se procurer. Là. Mathieu, tu me teases. Ouais, je sais bien. Le voilà lui-même. Ben, ah, oui, vraiment. Écoute, j'étais sur un site en anglais que je ne retrouve plus. Mais t'avais la sauce Buffalo. Elle Buffalo. Mais tu sais, quand on parle de gallons, là, ouais. c'était disponible en gallons. Là. Grandeur Costco, là, facile. Oui, je pense que c'est des 4 litres ou 4 gallons. J'imagine que j'ai dit gallons, fait que ça devait être 4 gallons. Hein. Ben c'est ça. Mais t'as l'original. Oui. D'ailleurs, on s'est mépris, mais Mathieu. 4 gallons, là, je m'excuse, là, mais c'est une chaudière, ça. Là, oui. Là. À moins que ce soit un gallon. Bah, je sais plus. Bref, peu importe que c'est un gros gallon. Je suis nerveux. Là. Donc, on disait, oui, il y avait une confusion entre la sauce originale Red Hot et. Puis la sauce, elle, de poulet. Parce qu'on pensait que c'était la même chose. Mais moi, j'étais convaincu que c'était ça. Puis, ben là, on vient de se rendre compte que non. Non, il y a la Frank's Red Hot ouais. Wing. Wing. Et t'as aussi la Buffalo Wings Extra Forte. Donc, t'as original, extra forte, Buffalo Wing et Buffalo Wing Extra Forte. Ensuite, t'as Chili Doux. Qui était 40. Chili Doo. Slammin' Sriracha. Chili Doo, Chili Doo. Bollywood. Et puis, dans ce il l'a pas en gros. Non, il a juste un petit à la lime aussi. À la lime. Mal. Wow. Bon, en tout cas, bref. Nous, on pourrait mourir ici. Là, on serait vraiment heureux. Facilement. À 6$ la bouteille, genre, ça vaut la peine de se garnir le frigidaire pour les prochains mois. Les prochaines années. Donc voilà pour Tu manges mon cœur. Adieu. Adieu, mon cœur. Bon. Je suis en train de penser à des cadeaux de Noël. Une bouteille de Frank's Red Hot dans pour le bas. Je pense que je serais l'homme le plus heureux au monde. Avoir une sélection de Frank's Red Hot dans un petit paquet cadeau. Ah, oh, dans mon bas, là, ça s'insère si bien. Tu as dit qu'il y avait des échantillons gratuits sur le site américain. Il faut oui. trouver la version canadienne de ça. Ben écoute, je travaille là-dessus puis je mets ça sur assemblagerie. Génial. Tu sais, la SAQ, ils font des petites bouteilles d'alcool, là, des minuscules bouteilles. Ils pourraient avoir des petites bouteilles de Red Hot. Ah. Bon. Alors, on dit qu'on serait bien. On va prendre la pause tout de suite pour réussir à se permettre de passer Mathieu Roy juste après. Et puis après ça, Alexandra Carignan. Alors, restez avec nous pour tout ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces attachées. Salut Jean-Philippe Charbonneau. Salut Mathieu Plante. Hello. Mathieu Roy est avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Philippe. Allô. Bon matin les copains. Beaucoup trop de bonjour Mathieu. On sait plus qui est qui là. Attends. Moi c'est Mathieu Roy. Oui, t'as raison, le roi des Mathieu. Moi je suis le Mathieu chanteur. Comme ça. Ah, je quitterai, ah, je quitterai, ah, j'ai EUQTA, peu importe ton âge, tu t'en vas à la GEUQTA, parce que la GEUQTA, ça n'a pas d'âge. Yo, yo, bleu, bleu. C'est pas plus noble d'être chanteur que roi, n'est-ce pas? Ah, mais peu importe, on travaille toujours pour le même. Le même dieu, on travaille tous pour le même dieu, c'est ça que tu veux dire, secte religieuse, etc. Non, non, mais tu sais, je veux dire, le fou du roi, absolument, c'est à côté du roi pareil. Le chanteur, ben tu sais, il est à côté pareil, c'est le seul qui est capable de le payer. Mais c'est un bon point, puis aussi, tu sais, c'est fou du roi. Si, mettons, il était DG de C'est fou, tu sais, C'est fou du roi, mais c'est pas le cas. On pourrait aussi avoir des nouveaux pantalons. Au lieu des corps du roi, ça serait des C'est fou du roi. Des C'est fou du roi. Corps du roi, c'est bizarre, hein, parce que c'est vraiment comme The King's Body, you know? Mm-hmm. Pour les corps du roi. Bref, salut Mathieu. Salut Mathieu. Oh, quel moment malaisant. The King's Body. Alors, on parle évidemment avec le président, directeur général Inc. de la GEUQTR, l'Association Inc. générale des étudiants. Ouais, je suis une marque homologuée. Et on parle des activités et actualités en lien avec la GE cette semaine. À chaque fois qu'on plug le mot Mathieu Roy ou AGE, et il se fait une cote. Ah oui, hein? Ben c'est ça, c'est une trademark. C'est redevable. Oui, oui, c'est repayable en cotisation aussi. Oh, ouais. Oh, voilà. Oh, ouais. Boy. Oh non, non, ce n'est qu'une blague. Là. Une petite blaguette. Bien, tout le monde sait que les premières blagues sont toujours les pires. Ok. Je laisse imaginer que j'aime me lever. C'est un peu comme les crêpes. Est-ce que vous faites des crêpes à la maison? Non, malheureusement. Ben moi, oui. Ouais, mais il me semble que la première est toujours comme celle qui est la plus... Ben moi, je te dirais que c'est à partir de la troisième qu'il commence à avoir du bon sens. Ah, ouais, moi j'affectionne particulièrement la crêpe style breton. Ouais. C'est-à-dire une crêpe très mince, habituellement avec de la farine de la sarrasin. Puis les deux premières sont un petit peu... La poêle n'est pas assez chaude. Non, c'est ça. Il manque quelque chose à l'interne. Ouais. Mais tu sais qu'à partir de la troisième, c'est dans les meilleures, mais c'est laquelle t'as préférée, mettons, si t'avais à choisir un chiffre? Là. Moi, c'est la cinquième. La cinquième. La cinquième, j'arrête jamais. Ouais. La cinquième... Sérieux, je la mange tout le temps. Là. C'est immanquable. Ouais, tu sais, je peux distribuer les premières avant, ça me dérange pas pantoute. D'abord, ils sont ratés un peu. Ouais. Avec les personnes que j'invite chez nous, là, les... La quatrième est bien, mais la cinquième est parfaite. C'est winner. Puis après ça, la sixième est brûlée. C'est ça. Sirop d'érable? Cassonade? Ah, vous allez voir que j'ai une petite tendance qui est assez weird là-dessus. Là. Personnellement, moi, je suis au beurre de pinot croquant. Dans ta crème? T'as roule avec ça? Ouais, ouais. Comme un cigare? Ouais. Ouais. Pour de vrai, je me retiens pour pas dire un gros mot. Ben, voyons donc. Mettre la French Roulette là-dessus, puis ça, c'est winner. Ben non, non, mais comme je l'ai dit, je suis pas très épicé dans la vie, là. Mais essayez ça au moins une fois en disant, genre, c'est Mathieu Roy qui m'a dit ça, tu sais, il s'était quand même rendu à quelque part, au moins à l'université pendant 5 ans. Au moins, sa chronique aura donné quelque chose d'intéressant, tu sais. Oh! Donc, je veux juste encore, juste être sûr de bien comprendre, est-ce que tu y vas avec une marque connue? Non, non, moi là-dessus, je suis pas sélectif. L'important, c'est que ça soit croquant. Ok, tu sais, il y a croquant. Puis après ça, la marque, tu vois, selon l'orientation naturelle de la personne. Les pinottes viennent toutes de la même place, hein. Tu sais, ça, pas vraiment. Pinotier. Hein, de toute façon, on jase entre gars qui a des noix. C'est ça. Grosse noix. Une plus basse que l'autre. Bon. Donc, Mathieu Roy, AGEQTR, quoi de neuf, docteur? Cette semaine, on se cherche un champion à l'AGE. Oh! Quoi de mieux qu'un champion, tu sais, pour commencer? On va commencer avec un match de lutte. parce que tout le monde sait que les matchs de lutte apportent souvent des champions. C'est vrai? Non, sans blague, c'est une question pour un champion. C'est un peu l'édition de... Je sais pas, l'émission originale date de quand? Mais c'était en France, cette affaire-là, question pour un champion. C'est comme un genre de génie en herbe, mais très, très genre haut niveau d'intellectuel. Là, ouais, exact, exact. Ben, nous autres, on attaque un autre niveau. ça porte juste le nom de question, oui, c'est ça, pour un champion. Non, mais sans joke, c'est des questions de culture vraiment générale. C'est pas hyper poussé comme sujet, dans le sens où on demandera pas de quelle main Léonard de Vinci a peint la Joconde. Alors qu'on sait très bien que c'est avec ses pieds. Non? Ah, excusez, je parle pas une histoire. Ben, l'homme de Vitruve, tel quel, il a montré toutes les possibilités qu'il y avait avec ses deux mains et ses deux pieds. Ah. C'est ça, là, la représentation de l'homme de Vitruve. Là. Arrêtez cela, les recherches. Mais non, c'est ça. Question pour un champion, ça a été jeudi à 19h30, Chasse-Galerie. La Chasse-Galerie, est-ce que vous savez c'est où? Juste derrière moi, je pense. Pas derrière toi, derrière toi, c'est le corridor. Oui. C'est-tu au 10-14, Néré-Beauchemin? Oh là, tu me perds. Non, c'est 1004. Pour de vrai? Oui. Ah, zut. C'est un des seuls... J'étais heureux de dire 1014. 10-14, ça se trouve être le local d'entretien, l'ancien local de Sodexo dans le 10-12. Ah, tu sais, c'est le 10-14. Wow. Ouais, trop passé de temps ici. La Chasse-Galerie, le seul bar qu'il y a dans le pavillon des Rébauchemins et le seul de l'UQTR au complet pour ce qui est des bars. Là. Ouais. Donc, au pavillon des Rébauchemins, derrière le studio de C'est Fou. Ouais. Fait que c'est ça. Juste derrière le studio de C'est Fou, c'est là que vous allez voir. D'abord, tout le monde sait où c'est que le studio de C'est Fou est, vu qu'on est web diffusé. C'est ça, ça. Okay. Oui. Non, c'est ça, à la chasse, jeudi 19h30. Vous allez voir, ça va être vraiment un beau setup. C'est une belle activité qui est toujours organisée avec beaucoup de plaisir puis que la participation est très bonne. Si vous voulez, je peux vous lire la liste des invités sur Facebook. OK, oui. Non, mais on sait que seulement des champions vont être présents, là. Ben, oh, c'est ça. Faut que tu sois au moins contender dans un niveau quelconque pour présenter là. Poids plume. Le poids n'a pas d'importance. Marie-Laurence, ça serait des poids plumes. On sait. Audet. C'est elle qui a gagné ça partout. Oui, en grande collaboration avec Magny, Michael Magny, LVP Asso, celui qui a une émission ici le mardi à 10h. Tantôt, oui, les malhonnêtes. Monsieur fraîchement rasé, c'est vrai? Oui. Oh, salut. Movember Fee. Oui. Ben, c'est pas tout le monde qui l'a subi, là, par exemple. Non. Certains gardent encore la barbe très fièrement. Ben, tu sais, en même temps, c'est pour l'hiver, hein. Ça tient au chaud. Ouais. Tu peux mettre des réserves de nourriture. De nourriture. De Red Hot. Ben, moi, c'est que je trouve ça super important pour s'hydrater. Sérieusement, tu te gardes des petites poches d'eau. C'est un peu le principe d'un chameau ou un dromadaire, mais à plus petite échelle. Le monde ne perçoive pas assez à quoi sert la moustache. Tu sais, ils mettent ça en valeur pendant le mois de novembre, puis après ça, c'est bien beau, on ne la remet plus de l'année. Faut la porter à l'année, la moustache et la barbe. C'est vrai, ça. Les gens comprennent pas ça, l'essentiel de la barbe. Puis ça, je me rase une fois par semaine, comme ça, pendant 6 jours, j'ai comme un semblant de demi-barbe. T'sais. Ouais, toi t'es non pilosisé tant que ça. Ça pousse pas tant vite. Tu sais, JP, par exemple, tu vois que ça pousse vite, t'sais, c'est un milieu humide, d'après moi. Dans sa face. Ouais. Il y a plein de choses qui habitent là. Ouais. Mais c'est pas mal l'activité, parce qu'on s'entend qu'on est en fin de session, fait qu'il y a pas 20 000 à faire. Mais je peux vous dire en exclusivité un des scoops qui va arriver à la rentrée là, de la session hivernale, parce que tout le monde sait que s'il y a une fin de session à l'automne, c'est pour avoir une session l'hiver. Malheureusement. Ouais. Mais en même temps, c'est heureux sur certains aspects. Tu te dis, ben au moins j'ai de quoi à faire cet hiver, tu sais. Ouais. Oui. Mais le show de la rentrée. Oh. Oh. Oh. Oh. Va accueillir des artistes. Wow, c'est jamais vu. It's brand new entertainment. Mais officiellement, la date, vous pouvez déjà réserver ça à votre agenda. Ça sera le 9 janvier. Le jeudi 9 janvier, Chasse-Galerie 10-12. On vous accueille. 6, 7, 9, un jeudi? Ben oui. Ok. Oh oui. T'es capable de te rappeler les journées de la semaine en disant des chiffres, toi? Oui, parce que je sais qu'on recommence le lundi 6. C'est vrai, ça. c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok, tu t'es congé, dans le fond. Oui. T'as pas voté pour ça, toi? Ouais, mais tu sais. On est entre nous autres. Oh, c'est très intime, ici, l'émission. Fait que le 9, jeudi 9. Jeudi 9. J'espère que vous allez réserver. Vous allez être présent. On ne dit pas encore c'est qui, là. On ne dit pas tout de suite, ça. Mais ben, si vous avez besoin de faire une réservation, 819-376. Non? Salut, ça serait pour une réservation. Bref. Donc, 9 janvier, show de la rentrée. Pourquoi personne n'a embarqué? Je la trouvais très bonne, ma blague. C'est drôle. Réserver ça dans votre agenda. Ouais, non. Au crayon plomb, puis quand ça va être confirmé, on va mettre au stylo. Exactement. Vous avez un nouveau site web aussi, on l'a pas mentionné en nombre, je crois, parce que t'étais pas là la semaine passée. Je me suis permis une absence, j'en suis fort désolé, désolé aux auditeurs qui m'attendaient seulement, et désolé pour mon retard encore plus ce matin, je m'en excuse. Ils vont s'en remettre, là, c'est la plupart vont s'en remettre. Mais, donc, nouveau site internet, agqtr.org. Ouais, toujours la même adresse, mais revampé à 100%, comme on dit. Beaucoup plus fonctionnel, beaucoup plus facile à trouver que les informations. Pardonnez-moi. Tellement occupé que ton téléphone sonne pendant que t'es en onde. C'est même pas un téléphone, c'est le pire. C'est ton iPhone? Ouais. C'est fou ce qu'on peut faire maintenant avec la technologie. Ben moi, personnellement, j'aime pas vraiment l'idée d'un cellulaire. J'aimerais pas ça pouvoir être rejoint 24 heures sur 24. Fait que je me dis que je limite les moyens de communication que j'ai. Ah oui. Donc c'est pour ça que j'ai pas d'ordinateur. Mais dans son dos, il y a comme une cage avec plein de pigeons. Quand tu peux envoyer des petits messages. Ils sont tous domptés, genre mes top 10 friends de Roger. J'ai appliqué le même forfait avec mes pigeons. Le voyage est gratis avec les 10. Puis après ça, les autres, j'ai payé à l'unité. C'est un certain nombre de graines, là, habituellement. Oui. 3-4 de maïs avec 2 de seigle. Habituellement, c'est un bon deal avec les pigeons. Là. Vous autres, vous les payez combien, vos pigeons, ou vous êtes plus du côté des technologies, vous autres? Ah, moi, je les paye au noir. Moi, ouais, c'est ça. Je peux pas le dire en nom. Je m'en sers juste pour mes tours de magie, moi. Oui. C'est pas des colombes? C'est des pigeons. Non, c'est ça, c'est des pigeons. Mais. Je les paye aux frites. Oui, puis avant, ils faisaient ça avec des signes. Oui. Des signes. Des signes. Le langage des signes dans le temps? Oui. Puis sur l'eau. Là. Merci, Mathieu, parce que j'avais pas que ça tombe à l'eau. Oh, allô? Allô? Allô? OK. Hey, une chance qu'on n'avait pas de temps à perdre pour ça. Merci, Mathieu Roy. On s'en jase. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Puis d'abord, on va se revoir la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une émission pour que je me réserve? Oui, il reste la semaine du 9 et la semaine du 16. Mais toi, t'es pas obligé d'être là jusqu'à la fin. Il en reste deux. Mets-toi le... Ben, faut que ce soit clair dès le départ que t'es pas obligé, puis tu peux venir à l'heure que ça te tente, c'est juste Alexandre qui va t'en vouloir. Ben moi, je me suis fait dire qu'on pouvait avoir des passes VIP, là. Oh! Désolé, mais... C'est Antoine Lacasse qui a commencé ça hier en disant ça en onde, qu'il y a des passes chouchou. Ouais, ça, on réserve ça pour les gens qui se présentent quand ils sont supposés venir. Ben, je suis supposé venir aujourd'hui. Ouais, t'es venu. T'es venu. Ouais, aujourd'hui. Pas à l'heure. Alors, on te garde la carte chouchou. Il y a une des grandes personnes qui m'a inspiré dans ma vie. Il m'a toujours dit que une personne qui a un poste, un rôle, quoi que ce soit, ne peut pas être en retard, mais elle a tout simplement été retardée. Ah! Fait que lequel, je suis jamais en retard, j'ai juste tout le temps été retard. Il y a une grosse différence, là. C'est seulement que la simple utilisation du mot, mais ça prouve à quel point j'en suis pas volontaire et j'en suis que le dommage collatéral. Oui. Je suis une victime là-dedans. C'est l'horloge qui m'a fait ça. C'est sa faute. Puis de toute façon, l'horloge, c'est une invention de l'homme. Moi, je compte ça. Ah! Bon. C'est dit? Ah, ben là, Mathieu, d'habitude... Quoi? Je suis plus rapide sur la répartie, parce que d'habitude, je suis pas en train de placer un CD pour avoir une chanson courte pour passer à Alex après. OK. Voici Terrifié, Terrifié de Mange, l'ours, mange. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dégueuler sur le plancher de danse? Non, mais moi, je mange un Red Hot. T'es pas rien en galerie. Obsédé? Oui! Ça devrait être obsédé, obsédé ou Terrifié, Terrifié. Yeah. C'était nos amis de Mange l'ours mange, la pièce Terrifié à Assemblage requis. Et maintenant, on accueille Alexandre Carignan, comme on aime le faire toutes les semaines, les mardis matin. Voici le temps d'une culture. Alexandre Carignan! Bonjour! Ça va? Ça va bien? Oui! Ben oui! C'est fun ça! Ça donne bien quand ça va bien, tu sais? Comme disait Kathleen. Je sais pas c'est qui. Non, t'es trop jeune, hein? À chaque fois que je dis ça, les gens sont trop, ouais, trop jeunes. Tu sais, Kathleen, ouais. Ça va bien! La chanson, comment? Ça se fait. Ben, tu vois, tu m'as laissé tomber sur mes autres blagues, je te laisse tomber sur celle-là. Parfait, good! Oh, c'est l'argent de la monnaie de la pièce, 4 sous, 30 sous pour une pièce. Donc, Alexandra, on parle d'art et spectacle chaque fois qu'on se rencontre. Ben oui. Et de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Écoutez, autant théâtre, exposition, spectacle qu'improvisation. Alors, je vais vous dérouler ça comme une championne. Alors, premièrement, en fait, mardi qui s'en vient, soit ce soir. Ce soir, le 3 soir. Décembre. On est rendu en décembre. Le 3 décembre, eh bien, c'est la Ligue d'improvisation mauricienne, comme tous les mardis soirs de 20h. Et en fait, ce soir, c'est un spécial, puisqu'il y aura une scène spéciale. Mais là, je peux pas vous le dire, c'est quoi. Non, c'est un secret. Si vous écoutiez la semaine passée, vous l'avez peut-être entendu. Ben, même pas, je l'ai pas dit. C'était en ronde, ça? C'était en ronde. Ah ouais? Ah ben, Caroline, des fois, la vie s'en remet avec... C'est les secrets. OK. Alors, je l'ai pas dit en ronde non plus. Non, ben en fait, c'est pas grave. Là. Je pense que si ça sait. Mais écoutez, je peux vous dire que c'est une scène qui va être déstabilisante. Ben, pas déstabilisante. Disons, impressionnante. Ah oui, ça va être grand, quoi? Ben, c'est pas que c'est grand, c'est que la manière que ça va être placé, ça va être particulier pour le public, mais aussi pour les improvisateurs. OK. On va enlever, là, le but des scènes spéciales, là, ça va arriver 3-4 fois par année, c'est de défaire la ligne entre la scène et le public. Ouais. Parce que c'est tout le temps ça. C'est le public est assis et regarde. Et là, avec les scènes spéciales, ce qu'on veut, c'est inclure le public. Mais est-ce qu'ils vont jouer dans l'impro? Non, pas nécessairement. Non. C'est pas qu'on va les inclure dans l'impro. C'est que la scène va être placée d'une manière plus proche du public. Ou est-ce que ça va être... Je peux pas vous le dire. Non, c'est ça. Ça serait trop facile de dire. Ça va pas... stressez-vous pas, là, en allant voir la lime à soir. S'il vous plaît. Ah non, j'ai été obligé d'improviser, là. Ben non, là. C'est que ça va être une manière spéciale de... En fait, c'est une manière différente de voir l'improvisation, justement, par la scène. Mais c'est un peu comme... je pense que ça avait jasé d'un match spécial qui a eu lieu à Montréal où, justement, il y avait pas des gens qui écoutaient l'impro, qui étaient sur la scène, puis qui faisaient un fond. Oui, en fait, à Québec. Exactement. Le Punch Club. Exactement. Ouais, c'est ça, voilà. Les cyphers. C'est un peu comme dans ce genre-là. On va utiliser les oui, on les va gens pas de la même chose. C'est sûr que le public ne sera pas ça, sur la scène. Mais le but est ça ouais. Aussi. Là, c'est de créer une proximité avec le public qu'on n'a pas normalement. Là, où est-ce que tu as comme le rectangle de public au milieu mm-hmm. Puis tu as la scène en avant. Ouais. Donc là, on veut bouger un petit peu ça. On veut inclure un public qui va être plus proche de la scène. Pas nécessairement sûr. Mais donc, on veut jouer avec ça aussi. Puis c'est un peu de déstabiliser les improvisateurs. Faut dire que déjà, à la lime, en général, on déstabilise avec notre scène. Oui. Mais là, pour certains, ça fait déjà 2 ans qu'ils jouent là-dedans. Donc, on veut... La routine est embarquée, on veut enlever la monotonie oui, peut-être. C'est ça, en fait. Pas nécessairement la monotonie, mais de donner un défi de plus aux improvisateurs et potentiellement, parce que quand tu as une nouvelle ère de jeu, tu as d'autres idées qui te viennent en tête. Donc, ça va être là que ça va être intéressant. Va falloir que les joueurs jouent avec la scène, ne font pas juste jouer sur la scène. Mm-hmm. Donc, c'est une question de mise en scène aussi qui va être très intéressante. Alors, ce soir, ce sont les blancs et les verts qui vont s'affronter. Mon ordi a lagué. Non, non. Je suis le mien. Ouais, non. Ça va, mais je sais pas pourquoi il fait ça ces temps-ci. Oh, si. Il est pas sur sa fin, toujours. Mais non, je sais pas pourquoi. C'est parce que j'ai différents écrans, puis là, il veut pas retourner. Oh. Mais c'est ça, dans le fond. OK, je suis correct. Okay, donc, ce sont les blancs qui vont affronter les verts. Donc, les blancs qui sont l'équipe de Maxime Tanguy. Donc, Maxime Tanguay, Camille Tremblay-Lalancette, Pascal Chalette-Janson, Marc-André Fortin et en joueur substitut, Jean-René Boutin. Wow, des gros canons, là, tout le monde là-dedans. Et ce soir, Marc-André Fortin sera aussi de la partie, comme il l'était la semaine dernière. C'est comme un événement de ces anciens quartiers-là. C'est ça, parce qu'il t'a recruté, mais il n'avait pas joué de la semaine. Non, mais on est bien content de voir Jean-René quand Marc-André n'est pas là. Oui, mais oui, assurément. Mais c'est tout le temps un hype de plus, là, parce que c'est la vedette de la Lime. Exact. Alors, il sera ce soir un joueur pour les Blancs. Pour les Verts, en fait, il y a un petit changement puisque leur capitaine, Louis-Étienne Villeneuve, ne sera pas là. Ah. Alors, le capitaine sera Guillaume Chalette-Janson, qui quand même a gagné la Coupe l'année dernière. Oui. Donc, ce n'est pas rien. Et Louis-Étienne Villeneuve sera remplacé par Francis Legendre, qui est en fait un joueur. Là, c'est leur substitut, mais il y a c'est pas un substitut, là, tu sais. C'est un bon joueur. Oui. Mais non, c'est comme ça que je savais pas que ça fonctionnait comme ça. Dans le fond, si le capitaine est absent, la personne qui le remplace ne le remplacera pas en tant que capitaine. Non, il remplace en tant que joueur et un autre capitaine. Oui, c'est ça, en fait, parce que dans certains cas, les substituts sont des joueurs. Parce que là, je dis dans certains cas, parce qu'à la Lime, c'est pas de même. Non. Mais dans certains cas, ce sont des joueurs qui ne sont pas très expérimentés en improvisation, qui ont un petit quelque chose, mais qui ne sont pas tout à fait prêts de jouer une saison complète. Alors, on prend les substituts. Donc, à ce moment-là, si la personne n'est pas très à l'aise avec l'improvisoire, on la voit mal devenir capitaine. C'est sûr. Parce qu'être capitaine, c'est non seulement l'idée le caucus, mais c'est aussi, c'est sûr que là, à la Lime, ça compte pas, mais à la Luître, c'est aussi d'aller demander les explications pour une pénalité. D'aller puncher la pénalité. C'est ça, d'aller puncher, là, c'est plus ça. En fait. Si t'as pas de joke, là, va pas chercher ta pénalité. Mais donc, c'est ça. Donc, on va pas aller chercher. Le substitut ne va pas prendre la place du capitaine. C'est vraiment quelqu'un, souvent, là, c'est comme au hockey, là. On a un assistant capitaine. Des fois, ça va changer, mais souvent, c'est comme là, c'était logique que ça soit Guillaume Chalette-Janson, parce que l'équipe des Verts, à la base, c'est Louis-Étienne Villeneuve, Guillaume Chalette-Janson, Simon Vaudevin et Gabriel Champagne, avec Francis Legendre en substitut. La seule personne qui a été capitaine dans ces quatre-là, c'est Guillaume Chalette-Janson. Okay. On se casse pas la tête. C'est lui qui sera capitaine ce soir. Francis Legendre, là, même si c'est un substitut, il a été joueur régulier à la Lime durant un an, là, et en fait, ce pourquoi il n'est pas revenu, c'est parce qu'il est à l'extérieur. Ah. C'est un très bon joueur, puncheur aussi. Alors ça va valoir la peine d'aller voir ça ce soir, 20h à la salle Louis-Philippe Poisson. Donc la semaine dernière, on était à Nice à la Rousseau. On revient dans nos pantoufles. Tout le temps quelque chose de spécial quand même. Tu reviens dans les pantoufles de la salle normale, mais pas placé pareil. Non, c'est pas placé pareil. Mais en fait, ce qui est cool avec cette salle-là, c'est qu'on peut boire de la bière en regardant le show. Oh. Et on a quand même de la Trou du Diable qu'on a à la Maison de la Culture. Alors ça vaut la peine. Alors ce soir, 20h, salle Louis-Philippe Poisson, 5,50 étudiants. 5 $ étudiants, c'est 50 adultes. Oui. Alors, voilà. Alors, ça, c'est pour mardi. En fait, si vous voulez, en général, parce que l'exposition a débuté, en fait, le 28 novembre, ce qui était dimanche. Même pas. Récemment. En fait, le vernissage était dimanche. Bon, on va y aller de même. Alors, jusqu'au 12 janvier, au musée Pierre Boucher, pour les amoureux de Noël, il y a des belles expositions. En fait, il y a « Dis-moi à quoi on joue » de Solange Hubert. Solange Hubert qui fait de l'art naïf. Et là, c'est quoi de l'art naïf? De l'art naïf, en fait, c'est... J'ai de la misère à expliquer ça, là. Mais en fait, c'est un paysage normal, qu'on va avoir tous les détails là, d'une peinture normale, mais avec des détails très enfantins. L'art naïf, là, c'est... c'est pas parce que c'est botché, là. C'est pas des bonhommes allumettes, là. Non, c'est pas des bonhommes allumettes, pas en tout, là. Quand je parle enfantin, là, c'est plus comme les visages, ça va être les expressions. Il y a beaucoup de travail, là, dans de l'art naïf, là. Autant que dans une peinture normale, et encore plus que dans de l'art abstrait, là. Mais c'est juste qu'on va aller chercher souvent des thèmes enfantins, mais aussi des paysages. Donc là, en fait, dis-moi à quoi on joue. Évidemment, c'est un peu sur le thème de Noël, mais c'est en général, là. L'artiste, elle vient de Trois-Rivières, mais elle habite à Charlevoix. En fait, elle, ce qu'elle a fait, c'est elle a fait des peintures de son enfance, donc de Trois-Rivières par définition. Et il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jouets. Et c'est pour ça, en fait, que l'exposition présente ses peintures d'art naïf, mais aussi, au milieu, on voit une collection d'anciens jouets. qui non seulement a été un don de elle au musée, mais aussi le musée a regardé dans sa collection personnelle donc des jouets là, qui datent de 1930-1940. Ouais. Donc, c'est super intéressant par ça. Il y a aussi des maisons miniatures là, qui ont été mises. Donc, c'est vraiment une très belle exposition. C'est gratuit, hein, je vous rappelle, le musée Pierre Boucher qui est dans le séminaire Saint-Joseph. Donc, vous entrez par la lourde porte et c'est juste là, c'est gratuit. Alors, il y a Solange Hubert. Mais il y a aussi Jacques Tisdel qui présente Mon Noël au musée. Lui qui fait des sculptures assez spéciales, très intéressantes en fait. Il aime jouer sur les jeux de mots. Et donc, va prendre des... il a pris le thème du sapin de Noël. Et va, il a... En fait, a pris le sapin de Noël et l'a mis à différentes sauces. Donc, on a, mettons, le Noël à l'italienne. Dans le fond, c'est un bol de spaghettis où est-ce que la tige, c'est une fourchette et que de la grosse fourchette, il y a plein de petites fourchettes de spaghettis qui descendent. Donc, ça a la forme d'un sapin de Noël, mais ça a un différent thème. Et là, c'est drôle, en fait, de voir les titres et de voir la sculpture. Lui, tu sais, je veux juste faire rire le monde, là, sans plus, là. Donc, il y a plein... Il y a le Noël superficiel aussi, qui est en fait un sapin de Noël avec des jambes de Barbie. Aussi simple que c'est ça. C'est normal fun. Mais oui, c'est ça. Donc, il y en a plein comme ça qui se marient très bien, en fait, à l'art naïf de Solange Hubert. Toujours sur le thème de Noël. Donc, ça vaut la peine. Ça, c'est dans la deuxième salle. Et entre les deux salles, il y a aussi des présentations de crèches d'un peu partout venant du monde. Et là, du monde, je parle de Chine, Mongolie, Pérou, États-Unis, Belgique, France, Shawinigan, partout. Oh, le Shawinigan! Le Shawinigan! Alors, c'est très intéressant. C'est gratuit jusqu'au 12 janvier, donc au musée Pierre Boucher, qui est, je vous le rappelle, après la grande porte au séminaire de Saint-Joseph. C'est gratuit, l'exposition de Solange Hubert et de Jacques Tisdel. Là, alors, je vais fermer ma page pour... Il y a tellement de choses à dire. Il fournit plus, cet ordi-là. Ça demande trop de culture. Il fournit plus. Et aussi, en fait, à partir de ce jeudi... En fait, je vais vérifier, là. Mettons, le 5, c'est quand? Vendredi, je crois. Le 5, non, c'est jeudi. À partir de jeudi. Ouais, donc, de jeudi le 5 jusqu'au 14 décembre, il y a la pièce Biloxi Blues qui sera présentée du Théâtre des gens de la place. Montée par... En fait, c'est la deuxième pièce qu'il monte. Il monte trois pièces, le TGP, durant l'année. Et là, c'est la pièce du temps des fêtes. Montée par Martin Franqueur, qui, je vous le rappelle, l'année dernière, avait monté La Ménagerie de verre, qui a été un immense succès. Tu sais, là, des pièces sold out, ça a été ça. Alors, vous vous imaginez, là, Martin Franqueur, c'est un metteur en scène extraordinaire. Et ce que j'aime, en fait, c'est qu'il va sortir du théâtre conventionnel. On a des bons metteurs en scène à Trois-Rivières, mais souvent, qui vont être dans leurs pantoufles. Lui, il va toujours pousser un petit peu plus loin, amener des choses et prendre des risques. Moi, c'est ce que je trouve intéressant avec Martin Franqueur. Et il a un pattern, c'est les pièces américaines un peu lourdes, mais très intéressante. Biloxi Blues, c'est dans cet amalgame-là. En fait, c'est l'histoire de six jeunes hommes qui vont partir à la guerre. Mais le thème de la guerre est omniprésent. On l'oublie jamais, mais on essaye de pas penser au thème de la guerre. Parce que c'est six hommes qui vont partir à la guerre, qui ont leurs problèmes personnels, donc leurs copines, leur famille. Il y a aussi le sergent qui est en train de les former et qui, lui, veut tout le temps les ramener à l'ordre. C'est un peu dans le comique, mais il y a toujours le drame de la guerre qui plane à l'arrière. Donc, c'est ça que je trouve, moi, je vais aller la voir, là. Ce que je vais trouver intéressant de voir, c'est comment est-ce qu'on peut rendre un drame de guerre dans un aspect un peu plus comique. Mais tu sais, comique, c'est pas poète-poète. On va essayer plus. C'est pas drame non plus lourd. Non, c'est ça. Non, c'est pas un théâtre. On flotte entre les deux. Ouais, c'est ça. On flotte entre les deux. Je suis certaine que Martin Franqueur a réussi à mener là, un équilibre parfait dans tout ça. Parmi les acteurs de la pièce, il y en a certains qu'on connaît, dont Samantha Bérubé, qui joue dans La Lime, Les Mauves. C'est d'ailleurs aussi la copine de Jocelyn Garneau, qui est l'impitoyable arbitre de La Lime. Alors, c'est fou, elle était le premier à le savoir. Samantha Bérubé, qui a d'ailleurs fait un bac en théâtre à l'Université Laval. Donc, elle ne sort pas de nulle part. Il y a aussi, en fait, Louis Saint Villeneuve, le capitaine des Verts, qui d'ailleurs ne sera pas là ce soir parce qu'il est en général de Biloxi Blues. Alors, Louis Saint Villeneuve. Étienne Bergeron aussi, qui ne joue pas dans les ligues d'improvisation, mais qui a tenu le premier rôle de la ménagerie d'hiver, qui est un acteur extraordinaire. Moi, je l'adore. Alors, ça va valoir la peine. Il y a aussi, et là, je veux pas me tromper de nom, mais je pense que c'est Anthony Leclerc qui, lui, a joué dans la pièce Maud et Harold du TNC l'année dernière, ou voilà 2 ans. Bref, il est très bon. C'est un acteur très prometteur. Ça vaut la peine. Mmh. Alors, Biloxi Blues du 5 au 14 décembre pour les étudiants. Ça coûte tellement pas cher. C'est 15$. Pour les adultes, c'est 18$. Alors, ça vaut la peine. Si vous voulez acheter les billets, c'est à la salle Jean-Antonio Thompson ou en spectacle.ca où il y a tellement de moyens d'acheter des billets. Tellement. Alors, ça, c'est pour de maintenant à 14 décembre. Et là, finalement, ce vendredi. Ce vendredi. Là, celui-là, mettons qu'on avait à mettre une date là-dessus, ça serait le 6. À peu près le 6. Mettons. On dirait que ça serait pas mal le 6 décembre à 20h au Centre culturel Pauline Julien. Je sais ce qui s'en vient. Non! Eh bien, les Frères Goyette qui seront au Centre culturel Pauline Julien. Les Frères Goyette qui viennent de la région, hein, oui. C'est des petits gars de Champlain qui ont été beaucoup connus pour leur web télé. Des frères. Avec Radio-Canada. Ouais, surtout .tv, les frères Goyette, les où est-ce qu'ils patentaient des trucs. Puis, ainsi de suite, là, qui présentaient le tout. Les frères Goyette, c'est un peu inconventionnel. Pour ceux qui les connaissent, c'est des personnages. Hein, ce sont pas vraiment des frères. Ils ont pas vraiment le nom de famille Goyette non plus. Ben, en fait, tu sais, t'as Mario Goyette, t'as Sylvain Goyette. Tu sais, c'est comme toutes des. Ils se donnent des personnages et surtout, ils ont une voix spéciale. Certains vont dire qu'ils n'aiment pas ça, mais il faut comprendre l'univers de ça. C'est qu'ils vont jouer des personnages. Vous allez voir, là, ils ont une drôle de voix. Il y en a tout le temps un qui... En fait, il y en a un qui n'est pas musicien, là, que sur scène, il patente quelque chose pendant le spectacle. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que souvent, il amène tous ses instruments, là, autant scie que drill, et ça va faire partie de la chanson, en fait. Donc, il patente quelque chose. C'est très intéressant à voir en spectacle. Ils ont un aspect comique, mais avec des paroles qui sont vraiment très profondes, des belles paroles qu'ils ont, les frères Goyette. Donc, c'est une fierté de la Mauricie. Ils seront, en fait, le 6 décembre, ce vendredi, au spectacle, à la salle de spectacle Centre culturel Pauline Julien. Et pour les prix, en fait, c'est de la petite bière. Non. Pour étudiants, c'est 16,40. Et pour des réguliers, en fait, c'est 18$. Ça vaut la peine. C'est vraiment un très bon band. Et c'est d'encourager aussi la culture de la Mauricie. Et là, si vous vous dites « Mais là, c'est quoi les Frères Goyette? » Alors, je vais aller vous faire écouter un extrait de leur nouvel album qui était « Fidèle, tenace et frère ». Alors, on va aller écouter « Doigté des neiges ». À son âge requis! De quoi de beau. Je travaille le bois, c'est toute ma vie, j'ai ce qu'il me faut. Un meuble antique en mirage, j'ai pris le guess de le faire tout seul dans mon garage. En plein travail, un sursaut, un mauvais geste me coupe le pouce en deux morceaux. Et ma douleur se lit, un voilier d'hiver dans mon visage. Sans miracle, un nouveau chapitre d'une mauvaise page. Comme une bombe sous le banc de scie, la vie me pogne, ma plaque au sol de l'établi. Sous les phalanges, le coup de grâce donne à ma gorge la force de tout laisser entendre. Le rouge au mur, ma misère, couvert mon char, tache la neige dans un hiver. Et ma douleur se lit, un enlève ouvert dans mon visage. Sans miracle, un nouveau chapitre d'une mauvaise page. Bonheur se lit, on remet mon doigt comme un collage, un miracle, un nouveau chapitre, on tourne la page. C'était Doigté des neiges des Frères Goyette qui seront en spectacle le vendredi, le 6 décembre. Ça s'en vient, c'est là, au Centre culturel Le Pauline Julien dès 20h. Je vous rappelle le prix 16,40 étudiants, 18 $ réguliers. Ça vaut la peine! Oui! Oui! Alors voilà. Si vous voulez aussi les entendre à la radio ce soir, oui. La vie en mauve. 18h. Avec Karina et Mylène. Exactement. Ils vont être là pour l'heure. Ils sont là pour l'heure au complet. Est-ce qu'ils vont jouer de la musique? Ah, oh, qui vivra verra. Ils vont être drôles, en tout cas. Oui. J'en doute même pas. C'est tout, Alexandra? Hey, c'est tout. Il y en a en masse. C'est pas mal. Vous occupez votre semaine, là. Pour vrai, c'est bien. Très bien d'avoir autant de choses à faire en Mauricie. Ben oui. Et on te retrouve la semaine prochaine. C'est les mardis à 9h pour la Tour de Culture. Oui. Sinon, ce midi, je serai à l'émission de Danny Janvier, le Dîner de Con, pour présenter les comédies d'Alex. C'est quoi aujourd'hui? Surprise? Ben, en fait, non, je peux vous le dire. Okay. Je présente la comédie musicale Wicked ce midi. Ouh, Wicked. Oui. C'est au Dîner de Con avec Danny Janvier. Mais nous, ça va être la fin de l'émission pour aujourd'hui. On va se retrouver demain. Avant de se quitter, par contre, est-ce qu'on rappelle ce qu'il y a eu dans l'émission d'aujourd'hui? Est-ce que tu t'en rappelles autant que moi, Jean-Philippe? Oui, merci à Kinky. Kinky, c'est time, oui. C'était, merci beaucoup d'avoir fait ça. Là, d'avoir été moi. Aussi osé. C'est ça. Ouh. Merci à Mathieu Roy. Oui, de la GUQTR. Oui, merci à Alexandra Carignan. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Ça fait le tour. Demain, à l'émission, on va avoir Ingrid Arneberg qui va nous parler de grossesse dans la course au trésor. Après ça, on a Véronique Mire qui va parcourir la lettre K dans son segment de Véronique Sionnaire. On commence à avancer dans l'alphabet, pas mal reculé. On va peut-être prendre des kilos. Des kilos? Oui, quelque chose de raciste avec le Ku Klux Klan. Oui, peut-être, ouais. À force de manger de la Red Hot. Ouais, Red Hot, toi pis ta Red Hot. Stéphanie Paradis va être là pour sa chronique Les Petits Bonheurs aussi. Donc c'est dans l'émission de demain à partir de 6h30, toujours en direct dès 7h30. Dans la programmation de CIFO aujourd'hui, à 10h, on retrouve les gars des Marlonettes. Mm-hmm. Avec Michael Magnier et PC. Oui, puis ici, à 11h, sera le Dîner de Con, comme on l'a dit. À 13h, c'est Rock Classique en version écourtée avec Alain Lefebvre. À 17h, c'est Les Palmarès C'est Fou, édition Top 10 avec moi et Stéphanie Paradis. À 18h, on l'a dit, La Vie en Mauve. 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. Et moi, je dirais CIFO.ca. Pour la programmation, programmation, dis-je bien, complète. Programmation. Et assemblage Rocky.com. Pour les balados de diffusion et les notes de l'émission. On est sur Facebook, puis tout. Twitter, Flux. Flux. Flux. On est sur Flux. On est sur Flux, puis on est sur le nouveau Extra French Red Hot. Je vais te prendre un extra. Tu sais que Mathieu Roy a annoncé sur Internet, mais pas Mathieu Roy, Mathieu Saint-Onge, le gars qui travaille avec Gab Roy, là, qui a annoncé qu'il était accro à la porn. Là. Oui. Ouais. Moi, je pense que tu as des symptômes d'accro à la sauce Red Hot, puis je suis pas sûr qu'il y ait un institut pour ça. Moi. J'ai la jambe qui shake. Je suis dû. Je suis supposé. Ma dose. C'est parce que t'es supposé shaker la bouteille pour faire sortir la sauce. Ah, mon erreur. Si tu shakes la jambe, tu vas sûrement faire sortir le Red Hot de quelque part aussi. Allô? À demain, Mathieu. Bye.